France Culture, Philippe Garbi, Alban Penaranda, Christine Goémé, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 6h30. Nuit spéciale Blake et Mortimer. Deuxième et dernière nuit, Blake et Mortimer. La semaine dernière, à la même heure, nous avons abandonné Mortimer à son sort, qui est souvent celui d'enquêter en solo, puis d'être rejoint par Blake. Blake, souvent Mortimer de la mort, quand ce n'est pas l'inverse. Il faudrait d'ailleurs se livrer à un calcul scientifique des moments où l'un sauve l'autre. Est-ce qu'il y en a un qui sauve l'autre plus que... Enfin bref, on verra. Blake et Mortimer. Blake et Mortimer, c'était Edgar P. Jacobs, au scénario et au dessin pour 8 aventures. Et c'est... depuis déjà plusieurs années, un scénariste plus un dessinateur. Alors les personnages de Jacobs ont une vie, après Jacobs, et on s'en réjouit, ils ont même une vie, en tout cas une biographie après Jacobs, puisque l'intrigue du nouvel album, paru depuis quelques semaines, début décembre, aux éditions Blake et Mortimer, Le bâton de Plutarque, se déroule avant Le secret de l'Espadon. Le secret de l'Espadon étant donc le premier de la série, comme le savent tous les fans de Blake et Mortimer. André Juillard, bonjour. Bonjour, Philippe Garbi. Samedi dernier, c'était Yves Sant, le scénariste, votre scénariste du bâton de Plutarque, qui nous avait raconté pourquoi et comment vous avez donné naissance à cette nouvelle aventure, ou prologue donc au secret de l'Espadon. On va pouvoir comparer, voire confronter vos témoignages cette nuit. Et puis, nous écouterons donc la suite et la fin du feuilleton SOS Météor, puis un opéra de papier, des entretiens d'Edgar P. Jacobs avec Jean Dave. Et puis, je recevrai Nicolas Barral, dessinateur qui, en compagnie de Pierre Vess au scénario, ose se livrer à une parodie des aventures de Blake et Mortimer, puis autre entretien avec le créateur d'un forum de discussion et d'adoration des personnages de Jacobs, Frédéric David, qui nous parlera du Centaur Club. Et puis aussi, on aura le patron de Hystari Games, Cyril Demag, qui viendra nous parler d'un jeu sorti il y a quelques semaines, le jeu Blake et Mortimer, tout simplement. Alors, nous y jouerons, bien entendu. Et puis, ensuite, grâce aux archives de l'INA, nous pourrons entendre Bob Demore, qui était venu en 1990 parler au micro de Jean Lebrun de la parution du deuxième tome des trois formules du professeur Sato. Alors, vous, André Juillard, est-ce que vous avez, par exemple, rencontré Bob Demore ? Oui, j'ai rencontré Bob Demore, j'ai eu cette chance, notamment lors d'un voyage au Danemark. On s'est retrouvés tous les deux invités pour je ne sais plus quelle d'ailleurs manifestation. Et c'est là que je l'ai connu un peu mieux, c'était un homme absolument délicieux. Qui avait donc repris, comment ça s'était passé? Vous avez su comment on l'a demandé de terminer? Parce que là, c'était pas la même histoire que vous avec Yves Sant et puis les autres nouveaux pères de Blake et Mortimer. C'était d'après un scénario, le scénario qui était dans ses tiroirs depuis très très longtemps et puis qui ne pouvait plus mettre à jour, enfin dessiner évidemment puisqu'il était mort, ce pauvre Edgar P. Jacobs. Bob Demore était censé donc, et l'a fait, poursuivre cette œuvre. Oui, d'ailleurs, je crois qu'à l'époque, l'éditeur a eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui veuille dessiner cette histoire. Il faut rappeler que Jacob était encore vivant et qu'il n'avait pas envie de le dessiner. Ah oui, de son vivant, déjà, on voulait qu'il... Ouais. Il se trouve qu'on m'a demandé, à moi et à d'autres, si je voulais dessiner cette histoire. Et à l'époque, je pensais que j'en étais pas capable. Donc j'avais refusé et je crois que en désespoir de cause Bob Demore a accepté de le dessiner. Je suis pas certain qu'il était très chaud pour le faire et en plus on m'a dit qu'il avait très peu de temps pour le faire, pour le dessiner cette histoire. Alors vous, on le sait, c'est pas du tout la même histoire puisque vous redonnez vie aux personnages, au Blake et Mortimer, et puis à Ulrich bien entendu, et puis d'autres qui reviennent de temps à autre, comme ça des personnages créés par Edgar P. Jacobs, mais créés aussi par vous, André Juillard et Yves Sant. C'est-à-dire que vous aimez les personnages récurrents comme ça qui reviennent. Ah oui, mais ça c'est ce que j'aime dans les séries justement, c'est la création de nouveaux personnages secondaires qui parfois deviennent viennent sur le devant de la scène. On a également utilisé des personnages créés par Jean Van Damme et Ted Benoît. Donc voilà, moi j'adore ce principe de famille dans la bande dessinée. Vous avez les héros principaux et puis petit à petit se mettent en place un certain nombre d'amis ou d'ennemis de ces héros qui finissent par constituer une famille. Mais comment ça se passe? Est-ce que dans un salon particulier d'un hôtel excentré de Bruxelles, il y a des réunions comme ça très très secrètes, ou alors aux éditions Blake & Mortimer ou chez Dargo ou je ne sais où, et voilà, toutes portes fermées, on réunit une quinzaine de personnes et l'on dit voilà, opération Blake & Mortimer pour telle année. Non? Oui, enfin, je sais que Blake & Mortimer est important pour la maison. qu'il faut qu'il en sorte régulièrement. Donc, c'est au départ l'intérêt que l'éditeur avait pour la constitution de plusieurs. Une ou deux, ou voire plus, je ne sais pas, peut-être, équipes pour pouvoir sortir un album de Blake & Mortimer régulièrement. Pas trop non plus, pas trop. Il ne faut pas non plus galvauder cette série qui, à l'époque de Jacobs, paraissait quand il le pouvait. Mais c'est vrai que l'éditeur souhaite pérenniser cette histoire assez régulièrement. Alors, il est beaucoup plus paru d'albums sans Edgar P. Jacobs d'albums écrits et dessinés par Edgar P. Jacobs maintenant. Parce que donc, on est au 23e titre de la série. Alors, il y a des aventures qui sont en deux épisodes, voire trois. Le Secret de l'Espadon, il y a eu trois albums. Maintenant, on revient à deux. Il y a des éditions originales aussi. Enfin, bref. Comment avez-vous procédé, André Juillard? Parce que, donc, Yves Sante nous a expliqué la semaine dernière, comment vous aviez décidé de donner un prologue au Secret de l'Espadon. Et c'est une bonne idée, parce qu'en effet, il y avait des trous dans le récit, encore qu'on puisse les accepter, hein, on n'est pas obligé de tout savoir. Mais en tout cas, on apprend beaucoup de choses dans le Bâton de Plutarque, et c'est pas simplement un petit prologue comme ça qu'on pourrait sauter et puis passons vite au Secret de l'Espadon. C'est vraiment une aventure en soi. Comment vous avez choisi de dessiner Blake et Mortimer, parce que le Blake et Mortimer de Edgar P. Jacobs en 1946, il n'est pas le même que 10 ans après. Alors il fallait que ça soit raccord, mais que les Blake et Mortimer ressemblent à ceux qu'on connaît désormais, physiquement. Oui, physiquement, c'est quand même le béaba dans une reprise. Si on ne connaît pas les personnages, c'est qu'il y a un problème. J'ai pas cherché à coller au dessin de Jacobs, notamment dans le Secret de l'Espadon, où il y a deux styles très différents. Jacobs a commencé par dessiner au crayon. Et ensuite, il s'est mis à la plume, j'imagine, avec un trait très fin, le trait ligne claire qu'on lui connaît. Donc, à choisir entre les deux styles, j'ai choisi de garder un troisième, c'est-à-dire le mien, pour ne pas trop forcer ma nature et réaliser des dessins un petit peu malfagoté, quoi. Il vaut mieux rester soi-même, même quand on travaille sur des personnages d'un autre créateur. Oui, alors ils font quand même plus contemporains, ces Blake et Mortimer dans le Bâton de Plutarque, que ceux que dessinés dans le Secret de l'Espadon. C'est-à-dire que parfois on peut préférer les vôtres, André Juillard. C'est gentil. Pour mon cas, je préfère les miens par rapport au style un peu crayonné de Jacobs, mais par ailleurs, à partir du moment où il a adopté un style plus classique pour la bande dessinée, c'est-à-dire le cerné noir à langue de Chine, là je trouve qu'il a assez rapidement trouvé son rythme de croisière. Parce que vous, alors André Juillard, comment on vous catalogue comme académique, comme le... Alors on connaît votre série, une des plus belles séries de bandes dessinées, Les Sept Vies de l'Épervier, C'est, on imagine, quand on voit ces décors de Paris en XVIIe siècle ou de l'Auvergne, etc. et tout, et on comprend que vous ayez eu envie de par exemple, dans les cinq secrets ou le secret des cinq lords plutôt, d'aller dans la campagne, enfin, en l'occurrence la campagne anglaise, mais enfin, vous êtes à l'aise là, avec des paysages de neige, avec des oiseaux qui survolent les personnages. Oui, oui, j'aime particulièrement les promenades. Alors, Yves ménage toujours dans ses scénarios de trois pages où je peux réaliser ce goût pour la nature. Et enfin, c'est une nature quand même très policée. Hein. C'est une nature très où il y a des routes et des voitures, parce que j'aime bien dessiner aussi les voitures de cette époque. Celle de maintenant m'intéresse pas du tout, mais. Donc, il y a quelques respirations comme ça. Il y a en deux occasions, je crois, ou peut-être trois même, Blake et Mortimer se déplacent dans l'Angleterre. Et ça, c'était un petit souffle de liberté pour moi. Parce que, est-ce que vous demandez à Yves Sente de faire en sorte que vos actions, enfin les actions des Blake et Mortimer, se passent dans telle ou telle région que vous aviez plus envie de dessiner? De façon générale, je préfère les Black et Mortimer, je préfère dessiner l'Angleterre que des pays plus exotiques comme l'Afrique par exemple, où on a été il y a quelque temps, mm-hmm. avec les Sortilèges de Gondwana. Pour moi, Blake et Mortimer, c'est vraiment une série très britannique. Alors que Jacobs, lui-même, n'a fait qu'un seul album qui se passe sur le sol anglais, donc La Marque Jaune, que beaucoup considèrent comme son meilleur. Et c'est surtout ça que moi j'avais retenu de toutes ces histoires. C'est l'ancrage de ces personnages dans un pays. Même si certains disent que c'est une Angleterre de fantasy, moi, elle me plaît beaucoup. Alors, vous avez parlé de La Marque Jaune, on va en entendre un petit extrait. Ce qui va être dans La Nuit, là, c'est la suite de SOS Météor, bien entendu, mais on ne peut pas résister au bonheur d'entendre un extrait de La Marque Jaune. Heures du matin. Après cet entretien, Blake et Mortimer se sont couchés. Et lentement, silencieusement, un homme pénètre dans la maison par le toit. Un homme étrange, dont on ne voit pas le visage, dissimulé par un serre-tête et des lunettes monstrueuses. Une grande cape noire, un chapeau rabattu sur les yeux. Il hésite une seconde, puis comme un automate, voilà qu'il se met en marche. Il avance dans le couloir. Il descend l'escalier. Il descend toujours. Le voici dans le hall maintenant. Il pousse la porte du salon où se consume un feu de bois. Il a peur, il titube. Tous les souvenirs de Blake et Mortimer, les statues, les sarcophages rapportés des Indes semblent s'animer à la lueur mourante de la flamme. Non ! Horus au bec crochu se dresse devant lui. Non ! Tout hérisse, la déesse hippopotame. Non ! Comme mis en déroute par une force invisible, il s'enfuit. Halte ! Les mains en l'air ! J'ai deux mots à vous dire, Marque Jaune. Qui a éteint ? C'est vous, Blake ? Blake ! Qui a éteint ? L'homme, dont les lunettes semblent soudain flamboyer, avance vers Mortimer, qui l'avait surpris. Halte ! Un pas de plus et je tire ! Arrêtez ! Arrêtez ou je tire ! Venez bon, Mortimer, j'arrive ! Un extrait de La Marque Jaune d'Edgar P. Jacobs, adaptation et réalisation Jean Morel. Vous connaissez la suite, c'est un disque festival, Grand Prix du Disque, Académie Charles Cros. Vous imaginez, André Juillard, donc vous vous souvenez évidemment de toutes les cases. Alors l'extrait fait une minute et quelques. Combien de cases pour dessiner tout ça? Que faut-il dessiner? Il me semble que cette séquence devait faire deux pages dans l'album. Alors c'est une séquence que je connais très bien pour l'avoir redessinée à ma façon dans un des albums précédents. C'est un clin d'œil à l'œuvre de Jacobs qui venait de Yves Sant. Donc c'était dans le scénario et c'était une très belle séquence de nocturne avec justement le personnage d'Ulrich avec sa grande cape noire. C'était vraiment magnifique. Alors à propos de ça, je peux de cet enregistrement, il y a une chose qui me surprend toujours dans les adaptations comme ça des bandes dessinées, c'est les voix des personnages qui ne correspondent jamais à celles qu'on imagine. Ah, ça, c'est le principe, oui. C'est Topard, qui fait Capitaine Blake, Yves Brinville, Mortimer, et Septimus, on l'entend pas dans cet extrait. Et la marque jaune, c'est Jacques Aslanian. Mais quelles sont les voix? Quelles voix entendez-vous, André Juillard, dans vos... Je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas celle qu'on me propose. Et je serais bien incapable de vous citer quelqu'un qui pourrait avoir la voix de Mortimer. À vrai dire, je n'ai pas tellement réfléchi, mais... tout cas, ça me dérange. Ça vous dérange? Ces voix me dérangent. Alors, ça vous dérange. Et si on devait adapter pour un feuilleton radiophonique, après tout, ce serait bien le bâton de Plutarque. Alors, qui, André Juillard? Ben voilà, donnez-vous. Puisque certaines voix vous dérangent, donnez des idées de distribution pour votre Mortimer et votre Blake. Alors là, vous me prenez au dépourvu. Voilà. Non, mais je me rends bien compte que c'est pas évident. Et d'ailleurs, je pense que chaque lecteur a sa voix propre. Donc, chaque lecteur peut être déçu par une adaptation vocale. Ah, il y a des casques que vous devez avoir grand plaisir à dessiner. J'imagine que le plaisir vient pour chaque planche et chaque case, André Juillard. Mais en tout cas, lecteur, je suis ravi de les voir, ces cases. C'est quand on commence à soupçonner quelqu'un. Mmh. Alors, il faut que cette personne, on en parlait la semaine dernière avec Yves Sant, il faut que cette personne soit dans le récit, bien entendu, passe, entre dans une pièce, soit n'ait pas l'air d'un traître. C'est mieux. Il faut, à un moment donné, quand même, qu'on ait un soupçon. Alors, comment ça se passe? Est-ce que le soupçonné doit être de dos? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il ait un regard lui-même étrange et, parce que ce serait trop comme ça. Alors, comment vous le dessinez? Comment vous choisissez de dessiner les traîtres? De face, de dos, un regard interrogatif, un air sournois? Je les dessine comme ils doivent être dans le scénario, c'est-à-dire que on les entend, on les voit, ils parlent, ils ont des dialogues et comme ce sont souvent des gens assez habiles, ils ont une apparence, une contenance, des expressions qui ne doivent pas montrer leur statut de traître. Et d'ailleurs, je suis parfois choqué dans les films où le jeu des personnages, certains personnages, est un peu excessif, je trouve. Et on a tendance à... Enfin, on devine assez rapidement que c'est pas les bons. Ou alors, si le metteur en scène est plus habile, alors c'est une façon aussi de nous tromper. Mais... Ça, vous parlez des films qui ne sont pas des adaptations de bande dessinée, des films en général? Oui, d'une façon générale, parfois. Parfois, ils exagèrent un petit peu leurs expressions. Vous êtes un homme du dessin, André Juillard, et vous n'aimez pas les voix, alors? Vous n'aimez pas qu'on place des voix? J'adore les voix, j'adore l'opéra, j'adore la chanson. Si, j'aime beaucoup les voix. Mais il y a un problème, je crois, dans la transcription des voix qu'on imagine, que le lecteur imagine, et celles qu'on vous propose. Il y a toujours un problème. Vous connaissez sans doute cette anecdote de l'enfant qui regarde un dessin animé de Tintin et qui dit mais c'est pas Tintin, c'est pas sa voix. Il a pas la même voix que dans les albums. Oui, voilà, il a pas la même voix que dans les albums. Donc. Alors par exemple, vous n'aimeriez pas que Les Sept Vies de l'Épervier, que édité chez Dargo, devienne un feuilleton radiophonique ou un film ou... Pourtant, ce serait... Alors, un film, ça peut être différent. Puis, Les Sept Vies de l'Épervier, c'était une histoire plus réaliste. si vous voulez, les personnages sont moins stylisés. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que, dans le fond, je dis qu'on imagine leur voix, mais en fait, on n'arrive pas à le faire quand ils sont trop stylisés. Mais pour une bande dessinée plus réaliste, il y a eu des adaptations, je crois. C'est moins un problème, quoi. Alors, on va revenir, André Juillard, au bâton de Plutarque. Quand vous décidez... voilà, par exemple, il y a des cases que j'aime beaucoup, c'est... Et il en faut, je pense, ça doit être dans le code des dessinateurs et des scénaristes de Black et Mortimer. Il y a toujours un moment donné où il y en a un des deux qui dit « I see ». C'est-à-dire qu'ils se parlent en français, ce qui est, bon, ils sont anglais, mais enfin britanniques, mais ils parlent en français, ce qui est assez logique pour nous. Et puis, mais à un moment donné, ils disent « I see ». Pourquoi ? Demandez au scénariste. Oh bah attendez, vous êtes à votre manière, vous êtes aussi un scénariste. Le dessin, c'est le scénario. Oui. Bah, ça fait british. Jacobs a adopté volontiers, de temps en temps, by Jove, c'est pas très français non plus. Il faudrait le traduire par Jupiter, je suppose. Par Jupiter. Non, j'arrive pas là. Même si notre ami Mortimer parle très correctement le français, je le vois pas dire par Jupiter. Non. Alors, André Juillard, donc comment le scénario arrive ? Enfin, vous en avez discuté avec Yves Sant, j'imagine, pour le bâton de Plutarque, par exemple. On sait que ça doit faire combien de pages ? 50 ? 62. 62. Comme les Tintins, alors. Oui. C'était ça. Donc, 62 pages. Un scénario est écrit pour un certain nombre de pages, mais est-ce que il arrive, Yves Sant, avec une page écrite, enfin voilà, ça, vous n'avez pas le droit de dépasser, d'aller sur la page suivante ou de lui dire mais là pourquoi ? Parce que vous pouvez aussi inventer le rythme, c'est aussi aller à la page suivante et non pas s'arrêter. Oui, mais c'est Yves Sand fait son travail de scénariste, il le fait très bien. C'est-à-dire qu'il découpe cet album en 62 pages. C'est lui qui s'occupe de le découper en tant de pages. Celui-là fait 62, d'autres peuvent faire 2 fois 52. C'est son boulot de calibrer son scénario comme ça. On a un certain nombre de pages. Alors, comme il connaît bien la bande dessinée, il aime bien la bande dessinée à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il va essayer de se débrouiller pour fabriquer un très léger ou suspense hein, en fin de page, donc qui sont censés faire tourner la page au lecteur, avec de plus en plus d'intérêt et de curiosité. Donc voilà, alors ça, moi, je peux pas le faire. Enfin, je veux dire, c'est à lui de calibrer son histoire de telle façon que ça rentre dans 62 pages et qu'il y ait ces moments forts, ces petits moments forts à chaque page et par séquence. Et on n'est plus comme dans les années 40, 50, 60, dans le journal de Tintin, c'est-à-dire qu'il y avait une page par semaine, et puis que la case qui terminait la page était toujours beaucoup plus spectaculaire que les autres, parce qu'on ouvre une porte avec trois points d'interrogation, voire plus, ou un cri. Là, vous n'êtes plus sujet à ces crises excessives de bas de page. Oui, c'est sûr qu'on n'est pas dans le cadre de ces publications d'antan où il fallait maintenir le lecteur dans l'intérêt de l'histoire créant du suspense. Le lecteur devait attendre une semaine quand même, au minimum, pour avoir la suite de l'histoire. Il faut dire qu'à l'époque, il était beaucoup moins sollicité et il pouvait garder ça en mémoire. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passerait. Mais malgré tout, c'est pas inintéressant d'essayer de travailler dans cet esprit-là, c'est-à-dire de donner un rythme assez fort à l'histoire. De page en page, et parfois de strip en strip. Oui. Parce que, je ne sais pas si il vous l'a dit, mais cette histoire est parue en strip, c'est-à-dire la page est divisée en trois strips et parue en feuilleton, alors quotidien, à la fois dans le Soir de Bruxelles et dans le Télégramme. Dommage. Mais on peut donc avoir aussi cette version publiée chez Blackie Mertimer du bâton de Plutarque, un format à l'italienne, en somme. Oui, ça, voilà. C'est les fans. Alors là, voilà. Le même album publié différemment, avec une pagination différente, là vraiment, tous les lecteurs de Blackie Mertimer sont des fans. Vous-même, vous lisiez, alors, vous avez pu lire, vous, André Juillard, des aventures de Blackie Mertimer dans le journal de Tintin ? Oui, oui, absolument. Moi, je suis né il y a longtemps, vous savez. C'était un peu le sens de ma question, mais indélicatement posée. Mais alors, donc, quelle aventure avez-vous lue après semaine ? Je me souviens que la première que j'ai lue, c'est SOS Météor. Qui nous occupera toute cette nuit. Donc, voilà, je crois que c'était dans la fin des années 50. Je vais autour d'une dizaine d'années, disons. 58-59, il fallait 58-59, voilà, 60 semaines, voilà, j'avais 10 ans, et donc je l'ai lu avec passion, évidemment, comme d'ailleurs toutes les autres séries du journal de Tintin, et par ailleurs on m'a offert quelques albums, et j'ai lu l'œuvre complète de Jacobs beaucoup plus tard. Ben, j'avais 20-25 ans. Alors il faut dire aussi que donc, les éditions Blackie Mertimer republient ce SOS Météor dans l'édition alors, originale d'une histoire du journal Tintin, c'est-à-dire que vraiment toutes les pages avec les résumés, c'est-à-dire qu'on a donc la même aventure, la même couleur, ces couleurs ne sont pas celles exactement de l'album que l'on connaît, me semble-t-il, mais on a donc le résumé. Alors à Jouy, Blake et Labrousse sont cernés par les complices de Monsieur Henry. Pourtant Blake veut à tout prix prévenir le commissaire Pradier que ce Monsieur Henry est un dangereux individu. Ben c'est bien qu'on sache comme ça. Et puis, en bas de page, on a des petites pubs, parce que quand même, le journal de Tintin faisait ses pubs pour les éditions... Lombard. Le Lombard. De l'intrigue, du mystère, tu trouveras tout cela dans le magnifique album d'Edgar P. Jacobs, La Marque Jaune. C'est-à-dire que les nouvelles aventures font vendre les anciennes. Oui, ça a toujours été le principe de la série, d'ailleurs. Oui. Et vous-même, vous vous souvenez, donc, André Juillard, vous disiez que vous lisiez tout, évidemment, le journal de Tintin. Cette année-là, il y avait des histoires. Quelles étaient les autres aventures ? Il y avait une page, Blake et Mortimer. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il pouvait y avoir. Il y avait bien sûr une histoire de. Une aventure de Tintin. Alors, qu'est-ce que ça pouvait pas être souvent, en 58 hein. C'était peut-être Tintin au Tibet, il faudrait vérifier, on va avoir des... Je pense que c'était avant le... j'en sais rien. Bon, on n'en sait rien, voilà, on n'est pas sérieux. Mais il y avait aussi des histoires de Cuvelier, j'aimais beaucoup, un dessinateur alors très, très académique mais magnifique. Corentin. Et qu'est-ce qu'il y avait encore ? Il y avait... Ricochet. Il y avait Ricochet, je ne sais pas si fin des années 50, il y avait déjà... Mais il y avait Chic Bill, par contre. De Tibet. Mm-hmm. Voilà, il y avait je suppose, des séries qu'on a un petit peu oubliées, mais... Il y avait de quoi lire, et puis je lisais la chronique auto et les histoires de l'oncle Paul. Ah non, ça c'est Spirou. Ça, oulala, confusion. Mais il y avait toujours aussi des histoires complètes qui nous apprenaient beaucoup de choses. C'était un journal instructif. Vous étiez abonné ? Non, j'allais l'acheter tous les jeudis à l'époque. Et je trouvais ça beaucoup plus... je préférais beaucoup l'acheter plutôt que le recevoir. Alors, on est sur Blake et Mortimer, André Juillard, bien entendu, mais il faut aussi un petit peu qu'on parle de votre production autre que c'est Blake et Mertimer qui vous occupe quoi, tous les deux ans. Alors, même si c'est peut-être un an de travail pour un album, je ne sais pas, mais vous continuez à publier du André Juillard avec un scénariste ou sans scénariste. Enfin, il y a une suite de cette vie de l'épervier. Oui. J'y reviens, nous y revenons avec Patrick Othiès, le scénariste, régulièrement, parfois avec beaucoup de temps passé entre deux albums. Mais c'est un autre des problèmes de la série, c'est qu'on s'attache à ces personnages, quoi. Alors on pense qu'on a fait le tour de la question à un moment, et puis quelques années plus tard, on est un petit peu nostalgique. On voudrait retrouver cette époque, ces personnages, et on y revient. Alors, est-ce que c'est pour cette série, vous aviez eu l'Alphard du meilleur album à Angoulême ou le Grand Prix de la ville d'Angoulême ? Non, j'avais eu l'Alphard du meilleur album pour le Cahier Bleu, alors qu'il était dans un autre genre, plus, disons, une bande dessinée contemporaine. C'est passé en temps réel et le Grand Prix l'année suivante, je crois. Enfin, mais pour avoir le Grand Prix, en fait, le jury, la plupart des membres du jury étaient ce qu'on appelle les auteurs complets, c'est-à-dire scénaristes et dessinateurs. Donc, il valait mieux avoir fait ses preuves en tant que scénariste. Avec l'essai de Ville d'Épervier, je ne suis pas sûr que j'aurais eu un jour le Grand Prix, puisque j'avais toujours travaillé avec des scénaristes. Alors, c'est cette vie d'Épervier qui sont donc l'album est repris, enfin, les sept albums sont repris chez Dargaud, l'intégrale. Mais c'est aussi une série qui a eu un prologue. Enfin, il y a eu une vie avant les sept vies d'Épervier. Il y en a une ensuite. D'ailleurs, alors, c'est les mêmes personnages qui reviennent. C'est des ascendants, des descendants plus mouvants, tout ça. Qui sont ces personnages? Ça a commencé dans Pif Gadget? Voilà, ça s'est poursuivi dans Tintin? Non, ça s'est poursuivi aux éditions Glénat. Alors, c'était Circus. Circus. Début des années 80. Alors, Masque Rouge, c'était paru dans Pif Gadget. D'ailleurs, c'était une commande de l'éditeur de Pif Gadget qui voulait un personnage féminin, donc une héroïne, et il voulait une histoire de KPDP. Voilà, cahier des charges. Il se trouve que Patrick Cotias, que je connaissais déjà, a écrit le scénario et que moi, passant un jour à la rédaction de Pif Gadget, on me propose de le dessiner. Donc c'était des récits courts et complets, destinés à un public jeune. Et il se trouve que nous, on se sentait un petit peu à l'étroit dans ce cadre et... 3-4 ans après les débuts de cette histoire, on a décidé d'aller proposer un éditeur qui, à l'époque, commençait à faire parler de lui, donc Glénat. Et on lui a proposé une série à partir des Masques Rouges, mais plus ambitieuse, plus adulte, voilà, plus complexe. Et puis maintenant, alors, donc, parce qu'on croyait que tout était terminé, et tragiquement terminé, mais non. Et voilà, donc on avait prévu de faire cet album, on a fait cet album, l'histoire pouvait se terminer là, et d'ailleurs on pensait qu'elle était terminée, et puis quelques années plus tard, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on commençait à avoir un peu de nostalgie pour ces personnages, donc on a décidé de les reprendre. Et c'est sous un autre nom, Plumauvent étant le nom donné par les Indiens du Nouveau Monde à Ariane, notre héroïne. Tout se situe encore au XVIIe siècle. Tout se situe au début du XVIIe siècle, dans les années 1620. Et donc là, cette série a fait 4 albums qui pouvaient se terminer de la même façon à la fin du 4e. Et puis, je crois, 15 ans après... Il s'est passé pas mal de temps cette fois-ci. On a à nouveau eu envie de retravailler sur ces personnages. Et si dans 50 ans, André Juillard, alors on va dire dans 100 ans, quelqu'un voulait reprendre, donner une suite à tous vos personnages des Sept Vies de l'Épervier, quelqu'un aurait le droit? Oui, tout à fait. Vous comprenez le sens de ma question, Gardner Jacobs a accepté qu'il y ait une suite, Hergé non, enfin une suite ou d'autres aventures. Non, je peux pas refuser. Je serais en contradiction avec moi-même qui ai repris une série que je n'avais pas créée. Alors voilà. Bon, bah, écoutez, cette nuit, deuxième nuit, Black et Mortimer va se poursuivre. On va donc entendre la suite et puis au cours de la nuit, on aura la fin de SOS Météor, une histoire de catastrophe. Vraiment, là, la météo n'est pas très très bonne. Hein. Là, vous aimez bien vous dessiner, André Juillard, des paysages sous la neige, des paysages. Sous la pluie, sous l'orage, oui, mais même quand il fait beau. Oui, non, mais les éléments se dessinent agréablement pour vous, parce que c'est quand même très agréable à dessiner, quoi. La pluie, la neige, un éboulement. Oui. Il y a une chose à laquelle on ne pense pas trop, c'est la mise en couleur. Alors, il se trouve que ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais un ciel bleu, par exemple... uni, magnifique, transparent, c'est très très difficile à rendre en couleur. Et je trouve plus facile qu'il pleuve ou qu'il vente ou qu'il... Bah, vous allez être servi dans SOS Météor. Un album visionnaire.